bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Aujourd'hui, nous recevons Fred Masseur, qui est hypnothérapeute. Bonjour, Fred. Linda, qui va lui poser des questions pour qu'on en sache un peu plus. Bonjour Claudie. Linda. Bonjour Josie. Bonjour l'équipe. Bonjour Gilles. Et bonjour Alain, notre chroniqueur littéraire. Bonjour à tous. La stabilité. Voilà. Avant de commencer avec Fred, je voulais vous dire que nous avons de nombreux jeux. On en a trois. On a quatre repas au break à gagner. Le break, c'est un restaurant métissé. C'est au Ponté, zone du Le Tronquet. On a deux places au Théâtre du Sablier. C'est le samedi 29 avril à 21h. C'est un trio acoustique pop, blues, soul. Et ce théâtre se trouve cours Aristide Briand à Orange. C'est facile à trouver. Oui. Il y a le grand théâtre et c'est juste un petit théâtre à côté. Et nous avons des places à gagner pour le Festival des Amis de Jean Ferrat. Et nous avons deux places le 7 avril à 20h30 en hommage à Traîner. Le 8 avril à 20h30 hommage à Béco. Le 14 avril 20h30 hommage à Ferré. Le 15 avril 17h30 hommage à Tachan. Et le 15 avril, 20h30, hommage à Ferrat. Alors, si vous voulez gagner, ça serait dommage de faire perdre toutes ces bons. Claudie, c'est où ces places à gagner pour les... C'est au pôle Camille Claudel à Sorgue. Voilà. Donc, vous nous appelez au 04 88 50 18 21. Alors, vous mettez un petit mot sur la page Facebook. Vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone. Je vous rappelle. Et on rappelle les amis de Jean Ferrat. Et voilà, on vous met en contact. Normalement, vous allez là-bas. Et vous dites la radio Fly FM. Voilà pour les trois trucs à gagner. Voilà pour les trois trucs. Voilà, maintenant on va commencer avec Fred. Alors Linda, je te laisse la parole. Merci Claudie. Fred, bonjour. Bonjour. Fred, il est hypnothérapeute à Carpentras. Donc, c'est pas le seul dans la région, je vous rassure. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser d'un peu plus près à l'hypnothérapie. Je pense que, comme beaucoup, quand on voit votre site internet, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a différentes sortes d'hypnose. Donc, est-ce que c'est possible de nous parler un peu plus précisément des différences entre l'hypnose ericksonienne, hypnose capacienne et hypnose hellmannienne? Oui, bien sûr. L'hypnose ericksonienne, c'est Milton Erickson, c'est l'hypnose qu'on va retrouver un petit peu partout. C'est une transe légère. Ensuite, on va travailler par exemple l'hypnose hellmannienne, qui est pour des transes beaucoup plus rapides, beaucoup plus profondes. Et capacienne, c'est une technique d'hypnose où on peut mettre les gens, je ne dis pas dans le coma, mais on appelle ça l'état S-Dale. Voilà. Aujourd'hui en France, on va utiliser beaucoup plus l'hypnose ericksonienne. Pour précision, donc, voilà, sur l'hypnose ericksonienne. Moi, personnellement, une de mes premières questions que je me suis posée, c'est, on connaît tous l'hypnose à la télé, donc l'hypnose de spectacle, où on a l'impression que c'est un petit jeu. Toi, tu es thérapeute, donc quelle est la différence entre une hypnose qu'on voit à la télé et une thérapie proprement parlée? Alors, c'est des choses complètement différentes. On va commencer par l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, on va travailler avant sur les sujets. Voilà. La transe profonde, c'est vraiment plus du spectacle, du jeu. L'hypnose thérapeutique, donc ericksonienne, on va travailler beaucoup plus longtemps sur des choses très précises. Voilà. Exemple, cerveau droit, le subconscient, l'inconscient, on va le travailler. Le cerveau gauche et le mental, subconscient, inconscient, j'en ai déjà parlé. On va travailler par exemple à du trauma, des choses du passé qu'on a depuis des années. On va déprogrammer ce qu'il y a à déprogrammer. Et uniquement déprogrammer ce qu'il y a à déprogrammer. On ne fait pas n'importe quoi sur quelqu'un. Donc en fait, on peut considérer que notre cerveau, c'est un disque dur qu'on peut reprogrammer si on le veut. Exactement. Bon, on va faire une petite pause et après on reprend avec le disque dur. À tout à l'heure. C'est sur le dernier drive, flâner d'un air mégalo, canner sans jouer les fakes, à contresens des manifs, penser à rien sauf à nous deux, donner jusqu'à ma salive. Mais qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Il est parti, ne cherche pas à le comprendre, n'attends rien de cette histoire, il ne peau de mes bras. J'ai pas envie de tourner la page en plein milieu de ce livre. Et nos galères, même jusqu'à la rage, c'est ma vie là qui dérive. Il est parti, ne cherche pas à le comprendre. N'attends rien de cette histoire, il ne reste que des cendres. Je fonce tout droit comme un bolide. N'y a-t-il pas d'autre voie? Car mon cœur n'est pas si solide que l'on peut croire. Tu fonces tout droit comme un bolide. Tu dois faire d'autres choix. Car ton cœur n'est pas si solide. Tout droit comme un bolide. Tu dois faire d'autres choix. Car ton cœur n'est pas si solide que l'on le croit. Je fonce tout droit comme un bolide. N'y a-t-il pas d'autre voie? Car mon cœur n'est pas si solide que l'on le croit. Tu fonces tout droit comme un bolide. Tu dois faire d'autres choix. Car ton cœur n'est pas si solide que l'on le Fly FM 89.9 avec toute notre équipe et Fred, ma sœur, et Linda qui va nous continuer cette petite interview sur, je crois, le disque dur. On était resté entre guillemets. Le disque dur. Ben, le cerveau, c'est un disque dur où il y a des choses qui sont imprimées, conscient, mais surtout aussi inconscient. Et je pense que c'est important qu'on s'arrête un peu là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement à notre cerveau depuis notre fabrication in utérine et puis petit à petit dans notre éducation? Alors on va en parler. Beaucoup de gens se demandent un petit peu comment fonctionne le cerveau. Alors vous prenez votre cerveau et vous le divisez en deux. Vous avez le cerveau gauche qui est le mental. Le cerveau droit, c'est le subconscient et l'inconscient. Le subconscient et l'inconscient commencent à fonctionner quand la maman est enceinte. Le bébé, il ressent tout, il entend tout déjà. Selon la grossesse, il peut avoir des choses pas forcément bien pendant la grossesse, peu importe, mais pendant l'accouchement, il peut y avoir déjà la peur de l'abandon. Et on va grandir. 7-8 ans, préadolescence pour le subconscient. Souvent, on nous a dit, finis ton assiette, tu vas pas grandir, tu vas pas grossir, tu n'auras pas de travail, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, etc., etc. 11-13 ans, adulte pour le subconscient. Et là, souvent, on nous a dit, ne va pas fumer, tu n'as pas intérêt de boire, de traîner avec un tel ou un tel. On s'est programmé déjà, dès le jour qu'on arrive au monde, on commence à se programmer par rapport à des sons, des mots, des images que l'on voit ou que l'on perçoit. Voilà. Et en hypnose, eh ben, on va déprogrammer uniquement ce qu'il y a déprogrammé avec le subconscient, cerveau droit. Voilà. Donc je pense qu'il est très important que quand on va voir un hypnothérapeute, c'est qu'on a, au départ, confiance. Il faut avoir confiance, donc il faut déjà communiquer, apprendre à communiquer avec l'hypnothérapeute, d'accord ? Parce que les hypnothérapeutes ne sont pas magiciens, ni médecins, ni Dieu, d'accord ? Ni psychologue. Ni psychologue, on est hypnothérapeute, chacun son métier, c'est très important. On va faire une petite pause pub, on s'excuse, c'est comme ça, et on se retrouve après. Voilà, après cette petite pause rapide. Ah oui, très rapide. Voilà, Gilles nous fait des surprises. Nous retrouvons Fred qui va nous parler donc de subconscient. Donc vous disiez que vous n'étiez pas psychologue. Alors on n'est pas psychologue parce que chacun son métier. Bon, il y a une partie de psychologie parce qu'il faut apprendre à décrypter certaines choses. D'accord ? Mais nous ne sommes pas là pour juger, uniquement pour aider les gens. C'est très important de le savoir. Donc les gens, ils peuvent venir vous voir, par exemple, pour perdre une gestion de poids. Tout à fait, la gestion du poids, j'en fais beaucoup, d'accord ? La gestion du poids, souvent, ça vient du passé, un passé un peu très compliqué, ou un peu compliqué, où les gens se réfugient dans la nourriture parce qu'ils veulent combler un vide, ils veulent combler quelque chose, voilà. Il y a aussi, bien connu, l'arrêt du tabac, est-ce que ça marche vraiment ? Alors, l'arrêt du tabac, est-ce que ça marche vraiment ? Alors, à titre d'information, c'est pas moi qui commande, et c'est pas vous, c'est votre subconscient qui commande. Il est pénible, ce subconscient, hein. Mais quand on commence à communiquer avec son subconscient et on commence à apprendre son fonctionnement, ça roule, ça va très bien. Il y a aussi, bien connu à ce jour, la gestion de la douleur ou le traitement de la douleur. Alors, on parlait de gestion de la douleur. Alors, il y a des douleurs que l'on a, et on a aussi des douleurs psychosomatiques par rapport à ce qu'on a entendu, on s'est programmé. Exemple, j'ai mal au dos. Très bien. Et en faisant des recherches, on s'est aperçu que quelqu'un de la famille avait mal au dos. Du coup, la personne, elle s'est déclenchée une douleur, on appelle ça une douleur fantôme. Voilà. Mais on peut diminuer la douleur. Et la douleur peut venir du jour au lendemain. On la diminue. Puis aussi la préparation, je crois, de sportifs, même de haut niveau. Tout à fait. J'ai fait de la préparation mentale pour sportifs de haut niveau. Et donc là, j'ai un pilote supercross très connu, Romain Berthomé, champion de France en 2013, qui a eu un incident, je dis bien un incident. Il a été dans le coma, etc., etc. Pourquoi j'ai dit un incident? Parce que ce pilote n'a pas d'image de l'accident. Donc pour moi, ce n'est pas un accident, il n'y a pas d'image. C'est un incident. Il est remonté sur sa moto depuis janvier 2016. Je le suis depuis juillet 2016. Et là, je pense que d'ici un an ou deux, il va retourner au Championnat de France, voire à l'élite. C'est un excellent pilote. Parce qu'il a fait un break, il a eu peur. Non, il est tombé en course de supercross. Il est tombé, quelqu'un lui est tombé dessus. Et il s'est réveillé à l'hôpital. D'accord. Donc il est devenu paraplégique. Il a après remangé, à remarcher, à faire du vélo, à retrouver le centre de gravité, l'équilibre, etc., etc. Donc grâce à son frère, ses parents, ses sponsors, il est remonté sur sa moto. Il est là aujourd'hui et c'est pour ça que je le suis de très près. En accompagnement. Pour lui redonner confiance. Il a mis une vidéo, on a fait une vidéo ensemble, où il dit que depuis que je travaille avec lui, il sent beaucoup mieux, il a moins de peur, il commence à retrouver les sensations, les vibrations qu'il avait sur sa moto. C'est un pilote professionnel. Donc il y a simplement, bon, là on y vient aussi, la confiance de soi. Il y a plein de gens qui n'ont pas confiance en eux. Tout à fait. Et ça, je pense que ça vient souvent de la jeunesse. Exactement. On a été rabaissés par les copains, les copines, les parents, parce que les parents, ils n'ont pas été éduqués comme nous. Donc chacun son éducation. D'accord. Et par rapport à certains mots qu'on va utiliser, on va manquer de confiance en soi. Mais on va reprogrammer. C'est très simple. Quand on comprend que le seul obstacle dans notre vie, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas d'obstacle. La vie est belle. Il faut se la rendre belle. Il faut se faire aider. Tout simplement. Je pense que c'est important d'entendre ça. On peut se faire aider. Il faut se faire aider. Et puis, les thérapeutes sont là pour nous aider. Thérapeutes, médecins, tout le monde est là. On va faire une petite pause et on continue tout à l'heure. Hein. Allez, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. J'ai pas ma place dans tes nuits solitaires, tes sourires amers. J'essaie de capter ton atmosphère, je retombe en arrière. Comme une ombre, une éclipse, tu t'éloignes de moi. Et mon âme se consume, je me noie. Je deviens fou. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. And I wonder. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. And I wonder. Mon chemin dans ton brouillard et j'en crève encore. Je t'ai cherché si longtemps au hasard que je perds le nord. Comme une histoire qui glisse, tu t'éloignes de nous. Je me condamne et j'assume, mais j'avoue, je deviens fou. Merci. Tu t'éloignes de moi. Et mon âme se consume, je me noie. Comme une histoire qui glisse, tu t'éloignes de nous. et j'assume, mais j'avoue, je deviens fou. And I feel like I can go on, and I feel like it's going strong, and I wonder, je deviens fou, and I wonder, I wonder. And I feel like I can go on, and I feel like it's going strong, and I wonder, je deviens fou, and I wonder, I wonder. And I feel like I can go on, and I feel like it's going strong, and I wonder, and I wonder. Alors, revoilà sur Fly FM 89.9 avec Linda et notre invité Fred Masseur, hypnothérapeute. Linda, je crois qu'on continue. Hein. Je crois que tu avais d'autres choses à nous dire. Hein. Enfin, il avait d'autres choses à nous dire. Moi, j'ai d'autres questions. Oui, effectivement. Voilà. C'est pas moi qui va vous raconter ce que c'est l'hypnose. On entend parler beaucoup d'auto-hypnose, d'auto-suggestion. Ça demande de la préparation et de l'aide d'un thérapeute, au début quand même. Tout à fait. Alors, l'auto-hypnose, il y a des gens qui achètent des livres ou qui vont sur Internet, qui regardent des vidéos, etc., etc. C'est un outil qui fonctionne très, très bien. L'hypnose est un outil. C'est un outil, d'accord ? Et ça fonctionne très, très bien. Voilà. Tout dépend de ce qu'on doit travailler ou déprogrammer. Mais l'auto-hypnose, par exemple, pour un lâcher-prise, c'est très bien déjà. Est-ce que le yoga, c'est de l'auto-hypnose, quelque part ? Non, le yoga, c'est autre chose. Et la sophrologie ? Encore autre chose. L'hypnose, alors, on ne va pas comparer, on n'est pas là pour comparer, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, et toutes les thérapies sont bonnes. L'hypnose, on va s'en servir pour aller déprogrammer quelque chose qui est déprogrammé. On va à la source, à la cause. À la cause. Et c'est important. Si on ne va pas à la cause pour régler la gêne ou le problème, la personne ne pourra pas avancer. Tout à fait. Si on fait une séance de confiance en soi, alors que la personne a eu un trauma psychologique dans le passé, il faut aller travailler le trauma avant d'aller à la confiance en soi. Donc avant de faire des soins sur une patiente ou un patient qui vient vous voir... On ne fait pas des soins, on n'est pas médecin. Non, j'allais, on va dire, une séance d'hypnose, ou plusieurs séances d'hypnose, vous allez sûrement faire un entretien avec cette personne et voir un peu où il peut y avoir des blocages. Tout à fait. On est tout le temps obligé de faire un entretien. Et à titre d'information... Je tiens à le préciser, on a un cycle neurologique de 21 jours dans notre tête, homme-femme confondu. Donc quand la personne vous dit il vous faut plusieurs séances, c'est pas un souci. Mais il faut au moins les espacer de 21 jours. Ça a rapport avec le cycle. Sinon le subconscient va saturer. Est-ce qu'une séance d'hypnose, elle dure une demi-heure, une heure Tout dépend ce qu'on a travaillé. Moi, Fred, hypnothérapeute, préparateur mental, mes séances durent une heure et demie, voire deux heures. Voilà. Donc c'est assez long. Parce que je suis passionné par ce que je fais, on va travailler vraiment ce qu'il y a à travailler. On va dans la profondeur. Pas forcément. Ok. Donc il est bien important que la personne qui vient vous voir vient en confiance et puis ose parler et se délivrer. Tout à fait. De beaucoup de mots, M-A-U-X, et le dire par des mots, M-O-T-S. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est de communiquer, de savoir pourquoi il y a une gêne. Parce que ça tombe, c'est quelques mots du passé qui l'ont blessé. Comme je dis tout le temps, les mots M-O-T-S donnent des mots M-A-U-X. Souvent, je veux perdre du poids. Si, inconsciemment, si on perd quelque chose à la maison, on va le retrouver. Par contre, si on se dit, à partir de maintenant, je vais manger pour maigrir, il va comprendre notre subconscient. Ou je vais manger pour retrouver mon poids santé, il comprend. Voilà comment on fonctionne. Est-ce qu'il y a, pour l'hypnose, des contre-indications ? Non, je dirais non. Mais il faut déjà faire l'entretien de la personne. La personne qui n'est pas forcément réceptive, il faut lui expliquer que ce qu'on peut faire pour elle ne fonctionnera pas. Moi, sur l'arrêt du tabac, par exemple, j'apprends à tout le monde à communiquer avec leur subconscient et je vais aller poser la question au subconscient. Si le subconscient me dit non pour l'arrêt du tabac, j'ai posé une autre question magique. Est-ce que le subconscient de X veut ralentir la cigarette ? Parce que peut-être que la personne a besoin de la cigarette plaisir. Et là, on va travailler. Par contre, si le subconscient dit deux fois non, ce n'est pas la peine de faire la séance, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que, par exemple, on peut travailler sur des bébés in utero ? Est-ce que ça se fait ? Non, je n'ai pas encore travaillé sur ça. Aujourd'hui, moi, quand je travaille sur les enfants, je travaille à partir de 11 ans. Alors après, il y a des hypnothérapeutes spécialisés pour les enfants, pour l'adolescent. Ils font que ça. Ok, mais on va faire une petite pause et on se retrouve dans un petit moment. Merci. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. FM 89.9 avec Fred Masseur et nous allons continuer cette interview. Oui, parce que très, c'est très intéressante. Intéressant. Ben, on parlait juste pendant la pause, je vais revenir dessus, rebondir dessus, d'un exemple d'une personne qui venait vous voir pour un arrêt de l'alcool. Oui, tout à fait. Donc, j'ai une personne qui a pris rendez-vous pour arrêter de boire. Donc, j'ai appris la personne à communiquer avec son subconscient. Ensuite, j'ai posé les questions et la personne n'a pas bougé. Donc, j'ai dit au client, vous avez bu avant de venir? Il m'a dit oui. Parce que notre subconscient se met en mode sécurité. On ne fait pas n'importe quoi. Imaginez d'avoir un verre au restaurant, toute seule ou entre amis, et un monsieur qui vient, il peut faire n'importe quoi. Donc non, notre subconscient a des garde-fous et il nous protège. Voilà. Donc, c'est important de dire, on ne craint rien. Rien. Même quand on est en séance d'hypnose chez un thérapeute, c'est parce que vous serez installé confortablement que je vais dire, par exemple, vous donnez votre numéro de carte bleue, votre RIB, me faire un chèque, vous déshabiller. Ça ne fonctionne pas. Et les gens, le cerveau fait... Insécurité. D'accord. Bon, je peux poser une question, juste un truc par rapport à cette histoire de sécurité. Quand vous voyez certaines émissions à la télé qui passent, où on leur fait faire un peu n'importe quoi, pourquoi ils ne se mettent pas en position de sécurité, là? Parce que c'est de l'hypnose de spectacle. Oui, mais la personne va dire, mais c'est ridicule ce que je vais faire. Non, parce que la personne de spectacle, l'hypnothérapeute va travailler sur cette personne pendant 2 ou 3 heures. Il est préparé. Ah, donc il y a une préparation. Bien sûr, on voit pas les coulisses. D'accord. On voit le direct, on voit pas le prime time. Bien sûr, oui, c'est vraiment... Sinon, Il est bien important de faire une différence entre l'hypnose spectacle et l'hypnose en thérapie. Tout à fait. Tout à fait, c'est... Mais il y a des hypnothérapeutes qui font du spectacle, qui sont aussi des très très bons hypnothérapeutes en partie de thérapie. Il y a toujours à prendre et à laisser, et puis ne pas faire l'amalgame des deux. Très important. Et moi, je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rétifs, qui sont... on ne peut pas les hypnotiser. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Souvent, c'est les gens qui se bloquent. Ils n'ont pas envie. Voilà. Ils n'ont pas envie de se faire aider. Donc, Même s'ils ont fait la démarche de venir vers vous. Oui, tout à fait, parce que c'est le subconscient qui va répondre. Enfin, moi, j'ai une technique où je suis un peu le balancier avec le subconscient, et c'est le subconscient qui va répondre. Donc, j'insiste pas. Oui, c'est pas la peine. Non. Vous avez des énergies pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et quand quelqu'un vient vous voir, est-ce qu'il a besoin de beaucoup de séances ou ça dépend des personnes, ça dépend du sujet? Moi, en général, on fait l'entretien, on va travailler sur ce qu'il a travaillé. La personne me recontactera si elle a envie de me recontacter ou si elle a envie de revenir pour travailler sur autre chose. En aucun cas, je suis incapable de lui dire après la séance, on se retrouve en X jours. Je ne sais pas faire. Vous ne donnez pas un rendez-vous. D'accord. Et est-ce que vous avez des retours? Bien sûr. Il y a des retours... alors, il y a des gens sur qui ça ne va pas vraiment bien fonctionner. Par rapport à eux, par rapport à leurs croyances qu'ils ont dans leur tête, leurs croyances limitantes, on appelle ça des fantômes. D'accord ? Ensuite, sur mon site hypnosevoclus.com, il y a des vidéos, des témoignages. On parle du poids, d'accord ? J'ai une dame qui est venue me voir le lundi 14 novembre. Elle est venue me voir au mois de janvier pour son fils, qui avait des gènes, qu'on a travaillé. Et au mois de janvier, elle était à moins 17 kilos déjà, avec une séance d'hypnose en gestion de poids. Oh, c'est super. Voilà. J'ai une autre personne c'est très là, efficace. Depuis 10 jours, elle a moins 3,8 kg. Voilà. D'accord. Mais sans régime particulier à côté. Je ne fais pas de régime, je ne suis pas diététicien ou nutritionniste, je suis hypnothérapeute. Uniquement en travaillant sur des mots. En disant par exemple, la dame qui est venue me voir, vous êtes une maman, oui. À partir de maman, maintenant, vous serez maman uniquement pour vos enfants. Et à côté, une femme, un cadre dynamique que l'on respecte, que l'on admire, que l'on écoute, que l'on épaule. D'accord. On va tirer l'ego de la personne. Ou l'homme, c'est pareil. Et on va faire comprendre à la personne que maintenant, elle doit devenir actrice de sa vie et d'accepter ses nouveaux comportements. C'est une femme. Souvent, quand on est une maman, on est la maman de tout le monde. Et on écoute tout le monde. Voilà. D'accord. Et on va faire une pause et après, on reprend. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Un jour je suis prédateur, un jour je suis la proie. Un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme. Je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. Plonge au cœur de moi, au fond de mes abîmes, dis-moi ce que tu vois. Qui fait son cinéma. Un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois. Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. Plonge au cœur de moi, au fond de mes racines. De mes racines où personne ne va. Écris sur ma peau les mots que je n'ose pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Même au bord du cas. voilà revenu sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac-à-Idée et Fred. Alors, on continue. Voilà, ben je reviens sur un projet qui est en cours et qui va bientôt voir le jour. C'est des séances d'hypnose en balnéothérapie ou avec une balnéothérapie associée. Donc, je pense que c'est plutôt au niveau de la douleur ou individuelle. Alors oui, on va en parler. Je suis en train de développer, donc j'ai mon jacuzzi 7 places qui est arrivé et je veux absolument développer la très très prochainement, d'ici un mois et demi, les travaux seront finis. Je vais être un des seuls hypnothérapeutes en France à faire ceci. Les gens pourront venir faire une séance en maillot de bain dans le jacuzzi, par deux ou par trois, selon ce qu'il y a à traiter, par exemple une douleur, d'accord. Je leur mettrai un casque sans fil et je vais dérouler la séance d'hypnose à côté, pour que la personne puisse avoir un lâcher prise au niveau de l'eau, parce que l'hydrothérapie c'est très très bon pour le corps, on évacue avec l'eau. Donc les séances d'hypnose seront dans le jacuzzi. Voilà. C'est unique. Et donc c'est des séances qui vont être d'une heure et demie. Tout dépend de ce que la personne a traité. Oui, trois quarts d'heure, une heure, ça dépend. Parce qu'une heure dans le jacuzzi, après, on a un peu... C'est ma question. Voilà. Trois quarts d'heure, une heure. Est-ce que les gens vont accepter d'être à trois dans un jacuzzi? Oui, parce que j'ai de plus en plus de gens qui viennent à plusieurs. D'accord, voilà, donc, un groupe. Oui, donc que d'endormir une personne, ben, j'endors les trois en même temps. Ben voilà. Oui, mais je pense que c'est faisable quand c'est on C'est même plus va... rassurant. Peut-être, oui. Oui, quand ça les rassure. Va avoir des traitements pour certaines pathologies. Je peux prendre mon exemple, la fibromyalgie. On va en parler très bientôt, d'ailleurs, dans une prochaine émission. Je pense que là, c'est vraiment... Je travaille déjà un petit peu sur la fibromyalgie. Je vais préparer d'autres protocoles. Et j'ai déjà travaillé sur quelqu'un. Voilà. Donc, on reviendra là-dessus avec grand plaisir. Bon, vous avez plus de questions aussi. Donc, par exemple, moi, j'ai un problème. Je ne sais pas, moi, j'ai un problème. Je veux de poids. Alors, je prends contact avec vous. Tout à fait. Les gens ne disent pas problème, on dit une gêne. Le problème, c'est négatif pour le subconscient. C'est pas un problème, alors. C'est donc, une gêne. C'est une gêne. Ah oui, c'est une gêne. Donc, je prends rendez-vous avec vous. Et comment ça se passe, une séance? Alors, on va discuter, d'accord. Souvent, la prise de poids est due au passé. Hein, comme j'ai dit, on est une maman, souvent avec des enfants, etc., etc. Donc on va aller éliminer ce qui a éliminé. On va déprogrammer. Ça peut être des choses dans l'adolescence, etc., etc. Parce que souvent une personne qui n'arrive pas à retrouver son poids santé, elle se réfugie dans la nourriture, elle comble un vide. C'est pour ça qu'elle grignote. D'accord, oui, bien sûr, bien sûr. Après, on assimile souvent ça, c'est vrai, un manque ou un stress, ou par angoisse. Se protéger aussi. Ouais, ça peut être se protéger, ça peut être un ensemble de choses. Et puis tout simplement, un ras-le-bol. Ouais. Oui, je pense aussi. Voilà. Mmh. Et on ne sait pas vers qui se tourner. Mmh. Voilà. D'accord. Ben, je pense qu'on a peut-être quand même un peu moins peur après cette conversation très intéressante. Merci. Donc pour Fred, vous pouvez le trouver sur Carpentras. Donc son site internet, c'est www.hypnosevaucluse.com ou par téléphone 06 63 99 63 99. Je répète, 06 63 99 63 et 99. Et vous recevez tous les jours? Je reçois tous les jours, du lundi au samedi, uniquement sur rendez-vous. Sur rendez-vous, d'accord. Au chemin de la Perrière à Carpentras. Voilà, c'est vers Serres. Hein. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Fred. Et je laisse la parole à Claudie. Bon, donc, Alain, tu nous fais ton... Non, on se fait, une petite pause et après, Alain va nous présenter son livre. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Hey, yeah. I'm a lady. I got a whole lot of love, 'cause I won't like them. I feel the same, can you participate? I wanna see you shake, I wanna hear you say. Say I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake, I wanna hear you say. And I don't look like them, I don't talk like them. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, cause I'm a lady. Cause I'm a lady. Bonjour Fly FM 89.9 et toute notre équipe. Et maintenant, nous avons Alain qui va nous présenter un livre, le livre de la semaine. Alain, je t'écoute. Alors, c'est article 353 du Code pénal de Tanguy Vieille et c'est aux éditions de Minuit. Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Laznec, Martial Kermer vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là. Son divorce, la garde de son fils, Erwan, son licenciement et puis surtout les miroitants projets de Laznec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit. En effet, Laznec avait débarqué 6 ans plus tôt dans la presqu'île en face de Brest avec son projet de station balnéaire. Le Saint-Tropez du Finistère qui devait attirer les touristes fortunés et leur faire goûter la lumière si belle qui traverse la roche en fin d'après-midi, le calme des fougères qui ont l'air d'absorber toute la douleur du vent, la brume qui va et vient devant le soleil pâle, enfin tous ces slogans accrocheurs qui ne se sont jamais réalisés. Alors Martial va essayer d'expliquer avec ses mots, avec ses digressions. Toute cette histoire, a repris le juge, c'est d'abord la vôtre. Oui, bien sûr, la mienne. Mais alors, laissez-moi la raconter comme je veux, qu'elle soit comme une rivière sauvage qui sort quelquefois son lit, parce que je n'ai pas comme vous l'attirail du savoir ni des lois, et parce qu'en la racontant à ma manière, je ne sais pas, mais ça me fait quelque chose de doux au cœur, comme si je flottais ou quelque chose comme ça, peut-être comme si rien n'était jamais arrivé, ou même surtout, comme si là, tant que je parle, tant que je n'ai pas fini de parler, alors oui... Voilà, ici, même devant vous, il ne peut rien m'arriver, comme si pour la première fois, je suspendais la cascade de catastrophes qui a l'air de m'être tombée dessus sans relâche. Ça a l'air assez poétique. C'est très joli, c'est prenant. Alors, article 353 du Code pénal, pourquoi ? Parce que l'article 353 du Code de procédure pénale permet d'en appeler moins aux preuves qu'à la conscience des juges et jurés devant la cour d'assises, en somme de se fier à son intime conviction. Donc, que va dire le juge à la fin de la sentence ? Il y a du suspense quand même. C'est un suspense, mais c'est très beau, très prenant. Bon, je le lirai. Tu veux nous parler d'un film ? Moi, je vais passer du coq à l'âne. Ah ben, tout à fait. Puisque les vacances arrivent, j'invite les parents ainsi que les enfants à aller voir un film qui s'appelle Baby Boss. C'est une comédie américaine de cette année qui dure 1h30 et qui vient de sortir le 29 mars. Et en fait, c'est Tom McGraw, c'est ça ? Alain qui s'y... Oui, ça va, c'est bien. Qui nous a fait déjà Madagascar et qui nous fait donc ce film où il y a plein de gags. Le scénario, il manque, il y a de l'originalité. Il y a les petits personnages, les poupons sont à croquer. Et le thème, ben, c'est un peu sur la jalousie par rapport à l'arrivée du petit dernier. Donc au sein d'un noyau familial. Et c'est un dessin animé de DreamWorks qui est bourré de farce et ainsi de suite. Alors c'est aussi tiré d'une bande dessinée qui a été sortie en 2010 qui s'est appelée The Box Baby, écrite par l'américaine Marla Frazzi. Je ne sais pas si tu connais Alain. Non. Donc les Templeton viennent de voir leur famille de s'agrandir. En effet, il y a Tim, le petit garçon de la maisonnée, va en faire rencontrer son petit frère. Mais ce bébé n'en a que faire de ses parents et de son frangin. Il y a pour autre chose. Il s'avère que ce bébé, il est particulier. Alors celui que tous les autres nourrissons appellent le boss est habillé en costard. et ici, pour une mission spéciale, capitale même. En effet, les bébés sont en pleine crise. Ils ne reçoivent plus autant d'amour qu'autrefois à cause de leur ennemi juré, le bébé chien. C'est la compagnie Pupi, une entreprise à but uniquement lucratif qui inonde le marché de ses adorables et craquantes boules de poils. Le boss doit absolument remédier à ça, aider des autres enfants et de son grand frère. Il part à l'attaque contre ses bébés chiens. Alors c'est comique, ça a de l'humour. Ça a l'air, oui. Ça traite quand même d'un petit problème qu'on a côtoyé peut-être au sein de nos familles à nous. C'est-à-dire qu'arrive le petit dernier et c'est vrai que des fois ça crée un peu de jalousie au sein de la famille par rapport aux autres enfants qui sont là. Donc à voir pendant les petites vacances. Voilà, mais toi tu n'as pas ce problème, tu n'as pas eu de petit frère. Non, ça m'a manqué. Ah, oui, j'aurais aimé avoir un grand frère. Ah oui. Mais ça c'est plus difficile. Hein. Par contre, mes enfants, moi j'ai pas eu ce souci parce qu'ils ont quand même un gros écart d'âge. Ça y fait ça. Bon, on va faire une petite pause et après on va nous dire quelques sorties du week-end qui va venir. À tout à l'heure. Fly FM. Le meilleur des hits. On a vu le livre, on a vu le film. Claudie, est-ce que tu as des trucs à nous dire au niveau de ce week-end qui arrive? Voilà, je voulais vous parler à Monteux, à la salle des fêtes du Château d'Eau, rue des Hortensiens. L'organisateur, c'est l'Action Théâtre Vauclusien. C'est un festival de théâtre amateur. Alors, ça commence jeudi 6 avril, de 10h à 14h. Il y a un spectacle réservé aux écoles et aux collèges. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry par la compagnie Il n'y a plus qu'à jouer d'Orange. À 19h, c'est l'inauguration du festival avec apéritif dînatoire offert. À 21h, c'est trois comédies de Feydeau par les baladins des Fontaines, de Pernes-les-Fontaines. Je ne sais pas s'il y a Maïté dedans, je ne sais pas. Vendredi 7 avril, de 10h à 14h, spectacle réservé aux écoles La Sorcière du Placard à Balai de Pierre Gripari pour la compagnie Tout Compte Fait. Conte fées, bien sûr, c'est les contes de fées. 18h30, l'opération Zara Soustra de François Parot par la compagnie Carambole de Robion. Et à 21h, Comédia dell'arte, La Malle Mystérieuse par la compagnie Posada de Don Quichotte de Cavaillon. Et ça continue samedi 8 avril à 14h30, théâtre L'Amour, l'Amour, les fringues de Daniel Thompson. À 19h, spectacle poétique et musical. À 21h, comédie burlesque Le Misanthrope de Molière par la compagnie Mélicène d'Avignon. Dimanche 9 avril, 14h30, comédie de mœurs, un petit jeu sans conséquences. 17h, comédie musicale Le Milliardaire qui s'est joué, je crois, à Bédaré il y a peu de temps. Et 18h30, remise du prix public parce que c'est un concours. Donc c'est la troupe. On vote pour le spectacle qui a le mieux. Il y a trois spectacles pour lesquels on ne peut voter. D'accord, il n'y en a que trois. Oui. Donc je pense que quand même ça doit être intéressant. Le plein tarif c'est 10 euros, tarif réduit 7 euros, enfant moins de 12 ans, 4 euros. Et vous pouvez aller avoir le pass 3 spectacles 20 euros. Prévente à l'arrosoir de Mireille, fleuriste, place du marché. Voilà. D'accord Claudie. À toi. À moi. On se fait une petite pause. Une petite pause. Sur Play FM 89.9. Et est-ce que tu as quelques sorties? Oui, là, je voudrais juste parler de quelque chose qui se passe au sein de la bibliothèque Assarian, dans le centre-ville. Il y a un spectacle vert et vin. Donc, c'est vendredi 7 avril à 19h, avec un partenariat avec la Cove, où on lit, en fait, c'est une expérience gustative proposée par Julien Barré, alias Germain. Et il va mélanger, on va dire, le vin, les verres, avec des verres qu'on boit en main, où on parlera de verres poétiques. Un voyage littéraire et poétique, il y a des étapes, trois vins différents, trois moments durant lesquels ils interviennent, il y a des producteurs, et accompagnent les convives dans la dégustation de ces vins avec des verres. Et ça se passe donc à la médiathèque de Sarrien. Au niveau de la médiathèque de Sarrien, à l'étage. À la véranda. Voilà, vendredi 7 avril à 19h. D'accord, voilà. ça a l'air intéressant. Voilà. Et c'est payant, l'entrée est gratuite? Aucune information de plus. Ce n'est pas noté sur ce qu'on m'a fait passer, parce que la bibliothèque m'a demandé d'en parler. Bien sûr. Ils font beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est prévu, mais j'en parlerai dans le temps. Le 26 avril aussi. Vas-y, on a le temps. Oui, j'ai le temps. Il y aura autre chose. Claudie. Tu sais pas ce que c'est? Si, mais je en parlerai ce 26 avril. C'est sur la technique d'illustration du papier découpé d'un espace en 3D. D'accord. À partir de 8 ans, ça c'est pour les enfants. Ok. On peut continuer? Ouais, moi je voulais vous dire que samedi soir, nous sommes partenaires avec la soirée Couleur Hibiscus qui se passe à la salle Maëlia entre Monteux et L'Oriol. Donc c'est une soirée antillaise et ça se passe donc à 20h30 il y a le repas et 23h il y a la soirée. Et on peut danser? On peut danser. Enfin, c'est sympa, hein, c'est l'ambiance des îles. Qu'il y aura un de nos animateurs qui donnera des cours de danse. Je pense, on va voir si Vincent va nous faire danser, parce que nous, on y va. On a été gentiment invités. Oui. Et sinon, dimanche, nous faisons un direct au Valaillan. Le Valaillan, c'est commune de Pernes-les-Fontaines. C'est la Fiero Valaillanaise. C'est organisé par le comité des fêtes et des Valaillans. C'est une foire artisanale et commerciale. Ça se passe de 9h à 19h, place du marché et de la mairie. Il y a plus de 40 stands animation et différentes activités pour les enfants. Et nous serons là-bas, nous ferons des interviews et nous resterons toute la journée pour participer à cette... C'est toujours sympathique. Nous, on y était allés au mois de juin, c'est toujours sympathique, les Valaillans. Bon, à tout à l'heure, une petite pause. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. And I want it to be mine. Still a bit. to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show, 'cause I want you to be mine. Fly FM, Claudie, je crois que tu as des conseils à nous donner pour la santé. Oui, que tu as trouvé. Que ça vous arrive souvent d'avoir des maux de tête. Donc, comme nous sommes dans les remèdes naturels, voilà, la réponse phyto, une essentielle de lavande. Je crois que Linda, elle est convaincue. Réputée analgésique, l'huile essentielle de lavande s'utilise à raison de quelques gouttes dans une cuillère à soupe d'huile d'amande douce. Hein, je crois que Catherine nous en avait parlé. Tout à fait. Mmh. Tout à fait, mais alors, quand même faire attention. Voilà, vous massez les tempes et le front en mouvement circulaire à utiliser le soir, car la lavande va en plus favoriser l'endormissement. C'est vrai que mon petit-fils, ma fille, lui met de la lavande sur son oreiller. Après, il y a trois plantes anti-inflammatoires, la reine des prés, l'écorce de saule, la gentiane. C'est le trio à adopter en cas de fièvre associée. Voilà. Alors, il y a un docteur qui est phytothérapeute qui recommande une décoction à raison de 20 grammes de chaque plante. À siroter 3 fois par jour. Tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Non? Non, c'est pour tout à l'heure. Et bien sûr qu'il y a les fleurs de Bach, rescue. Alors ça, moi, je sais que je l'ai utilisé un jour que j'avais du stress. C'est vraiment efficace. Hein. C'est le remède d'urgence, ah, oui. Des fleurs de Bach. Ah oui, c'est très, très... C'est un complément de 5 très efficace. Hein. C'est un mélange de 5 fleurs, comme tu viens de dire, qui nous promet de réconfort et sérénité. Mais c'est vrai que c'est très, très efficace. Et le baume du tigre, ce remède ancestral chinois, se compose de camphre et de menthe. Deux essences réputées anti-inflammatoires et analgésiques, qui apportent soulagement et rafraîchissant aussi. Ils sont rafraîchissants. Appliquer sur les tempes, donc c'est toujours pour les maux de tête, hein, et frictionner légèrement, 2 ou 3 fois par jour. Notre conseil, choisir le baume blanc dit soft, plus efficace... Dans oui, les migraines. Parce que ça peut brûler effectivement la peau. Hein. Ouais. Parce que le baume, ça sert un peu à tout, le baume du tigre, non? C'est un peu de ces remèdes. Ça, c'est à faire attention. D'accord. Que les grands-mères aussi. Moi, j'avais ma grand-mère, elle avait le baume du tigre bien dans son armoire. Bien sûr, c'était tout à fait. Je crois que tu veux embrayer sur justement la phytothérapie. Non, je vais embrayer sur. Apparemment, j'ai trouvé une application. Enfin, il existe une application pour ceux qui aiment bien le bio que vous pouvez télécharger. Qui s'appelle la bio en poche. C'est une application mobile pour tout savoir sur la bio et elle a été développée l'an dernier par l'agence Bio, une application qui propose des événements bio, des lieux de vente, des restaurants bio qui sont près de chez vous, l'actualité. Voilà, une actualité officielle sur l'agriculture biologique, des recettes 100% bio, des jeux pour appliquer la bio aux enfants. Donc, la bio en poche pour télécharger sur votre téléphone portable. Eh bien, écoute, ça a l'air bien pratique. Hein. Tu n'avais pas un truc sur Joe Cooker? Oui. Ça, c'est du coq à l'âne. Hein. Oui, on passe du coq à l'âne. Si vous aimez Joe Cooker, rendez-vous à la Boiserie Amazon. J'en ai déjà parlé de ce lieu. Oui, c'est un lieu, on est allé déjà. Oui, on était allé là. Voilà. C'est vendredi 21 avril à 20h30. Et c'est un spectacle qui dure 2h30 avec un tarif unique de 10 euros. Attention, c'est un concert qui est debout avec une buvette sur place. Et moi, un petit gilet qui me perturbe. Donc, vous avez un concert hommage à Joe Cooker, qu'il y en a qui connaissent ou il y en a qui ne connaissent pas. Et c'est du blues rock. Et voilà. Voilà, ben, je crois qu'on va se séparer. La semaine prochaine, on a Les Arbres de Paix avec Sabine. Voilà, que j'ai eu au téléphone. Je pense que c'est un projet très, très intéressant, très, très généreux, très, très... très zen. Je crois qu'on va, passer un bon moment. Et je crois que Linda, la prochaine fois, le premier mercredi de mai, tu reçois un sophrologue. Une sophrologue, Delia Vlad. Ah, je suis en contact avec elle. Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Une et portez-vous bien. Au revoir, Fred. Merci. Au revoir, Fred. Merci.